Oui, bah oui, enfin, disons qu'on a, on ne voulait pas, en tout cas, enfin, notre démarche n'était pas de faire du documentaire, enfin, c'est-à-dire de savoir comment la musique à l'époque était faite, mais plutôt de retrouver les grandes lignes, en fait, les grands axes qui faisaient bouger les œuvres, en fait. Enfin, donc oui, on s'est permis beaucoup de choses, en fait, et effectivement de rajouter même des scènes, des séquences, de théâtre, voilà. Donc on a tout recomposé, disons. Avec aussi, peut-être pour ceux qui sont habitués à des œuvres originales de Purcell, Didon et Né, là, dans vos intentions, c'était de pouvoir trouver un point d'équilibre où musique et action théâtrale sont indissociables, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres présentations. Oui, tout à fait. Nous, on a notre axe de recherche, et c'est ce qu'on va continuer aussi à faire sur le prochain projet qu'on fera bientôt, là, dans un an et demi. C'est vraiment de voir comment, enfin, c'est un peu une question sur les origines de l'opéra aussi, comment l'action théâtrale est au service de la musique, mais vice-versa, comment la musique, et que les choses, effectivement, sont indissociables, sont totalement liées, comme les faces d'une même pièce, quoi. Donc, oui. Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de cette œuvre de Purcell, Didon et Né, vous nous rappelez en quelques mots l'histoire de ces amours contrariés entre Né et Didon, justement? Oui, alors, donc Né, qui est sur son chemin pour aller fonder Rome, en fait, s'arrête à Carthage, et là, il rencontre donc la reine de Carthage, qui est Didon, et ils tombent éperdument amoureux, tous les deux, et en fait, Didon, elle avait juré fidélité à son mari mort, et donc elle est tiraillée, elle ne sait pas si elle doit céder à cet amour ou pas. Elle finit par céder, et à ce moment-là, en fait, des sorcières, donc qui sont des figures dans le théâtre élisabéthain, qui sont des figures très courantes, des sorcières arrivent et veulent faire vraiment le mal, et donc elles envoient un messager, qui est un faux messager, en fait, elles envoient Mercure, qui dit à Aimée de rentrer, de retourner en fait fonder, de retourner à son devoir en fait. Mmh. Et donc Aimée décide effectivement de continuer sa route, donc d'abandonner Didon, et Didon mourra de chagrin en fait. Oui, je disais amour contrarié. Donc l'histoire elle-même, vous l'avez toujours bien au cœur de ce spectacle. Simplement, il y a une réinterprétation, une réappropriation où la dimension farce, comme je disais tout à l'heure, est bien présente. Votre spectacle a obtenu le Molière 2014 dans la catégorie meilleur spectacle de théâtre musical, attribué en juin 2014. Je lisais dans vos notes d'intention au niveau de la démarche artistique, vous parlez d'avoir bricolé l'opéra. Alors certains pourraient bondir en lisant ce genre de propos, mais je crois avoir deviné que c'est dans le sens le plus ancien du verbe bricoler, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un terme qu'on a repris, oui, effectivement, sur la bricole, qui est l'idée, en fait, qu'il peut y avoir un écart, en fait, entre une chose et... Enfin, qu'il peut y avoir de l'air, en fait. Donc, c'est ça qu'on a, voulu... et c'est aussi... C'est opérer une déviation, en fait, par rapport à une œuvre ou à quelque chose, quoi. Donc, nous, c'est comme ça qu'on s'est emparé de ce terme, en fait. Et bricoler, dans le sens, oui, effectivement... créer de la distance, créer de l'air, donc de la légèreté, mais pour plonger plus profondément dans la tragédie, en fait. C'était ça aussi notre enjeu, en fait. Ouais. Mmh. Donc de créer une oscillation vraiment entre tragique et comique, quoi. C'est ça qui nous semblait important de secouer, en fait. Alors, c'est à partir de cet opéra de Purcell, Didon et Né, mais vous y avez aussi glané d'autres éléments, d'autres matériaux au fil de la littérature, du cinéma, du documentaire ou de la peinture, autour de cette thématique ? Oui. Alors, par exemple, on s'est appuyé pour une séquence qui est dans le début du spectacle, on s'est appuyé sur un ouvrage de Robert Burton qui s'appelle « L'anatomie de la mélancolie », qui a été traduit il n'y a pas très longtemps en français, là, et qui est un ouvrage fantastique, c'est un traité en fait sur les humeurs et sur les origines de la mélancolie, qui peut être la mélancolie amoureuse ou d'autres formes de mélancolie. Et donc c'est un ouvrage qui opère par digression, par association, et nous c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré même dans sa structure et dans sa manière d'être, oui c'est ça, dans sa structure, on s'est inspiré beaucoup de cet ouvrage pour composer notre spectacle, c'est-à-dire comment on peut opérer nous aussi des digressions, des formes de déviation, oui, et pour revenir dans notre sujet, mais ça me paraissait très important. Donc ça a été très inspirant, ce livre qui est une sorte de bible, hein, parce que c'est un ouvrage qui fait, je pense, 2000 pages en tout, et donc on est allé piocher des choses là-dedans qui nous ont passionnés, oui. Autre particularité, dans la présentation du spectacle, tous les participants du projet ont été considérés dès le départ comme des co-auteurs de cette création, à tel point effectivement que les musiciens baroques ne sont pas vraiment des musiciens baroques à la base, puisqu'ils viennent du jazz, les chanteurs sont plus acteurs, c'est ça aussi ? Oui, tout à fait, on a voulu composer une équipe de personnes qui pouvaient faire plusieurs choses et qui surtout pouvaient être proposer vraiment c'est-à-dire que nous on sollicite énormément les acteurs, les musiciens, et ils proposent vraiment soit des arrangements musicaux, soit des scènes théâtrales. Donc on écrit tous ensemble, en fait ça c'est vraiment très important dans notre processus de travail, c'est vraiment une écriture collective. Après bien sûr avec Samuel et moi là qui avons décidé voilà, du montage final et tout ça bien entendu, mais c'est très important que tout le monde puisse, s'il en a le désir et voilà, la nécessité de que puisse proposer des choses en fait. Donc c'était oui. Je disais que c'était un spectacle qui avait été créé donc en 2013 à la Comédie de Valence. Là, il s'agit d'une recréation. C'est quoi la différence entre l'année 2013 et aujourd'hui ? Alors là, on va le reprendre effectivement. Donc ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Là, la grosse différence, c'est que ce n'est pas la même interprète qui va jouer Didon. Donc c'est plus Judith Chemla, mais c'est Anne-Emmanuelle Davy. Et donc ça, c'est un enjeu pour nous parce que voilà, on va changer de rôle changer d'actrice chanteuse. Donc c'est pour nous, c'est toujours assez délicat et en même temps assez excitant parce que ça nous permet de remettre à jour des problématiques, des dynamiques de jeu. Et donc voilà, c'est ça va être le vrai enjeu du monde de cette reprise pour nous. Quelques mots pour décrire l'espace scénique, vous pouvez nous le décrire ? Alors, donc au départ, il y a un grand rideau tendu, il y a un proscénium en fait, donc tous les musiciens et les acteurs-chanteurs évoluent sur ce proscénium, et ce rideau, à un moment, tombe, et on voit en fait un espace assez désœuvré, disons qu'on a voulu jouer sur l'idée de ruines ou de choses comme ça qui sont laissées à l'abandon, comme Didon est laissé à l'abandon dans son amour, et donc on a construit comme ça un espace très chaotique avec des tas de gravats, un arbre au fond, enfin voilà, un espace assez onirique et en même temps assez rugueux, parce qu'on voulait vraiment jouer en contrepoint opérer un contrepoint avec par exemple les costumes parce qu'ils sont habillés dans des costumes trois pièces et des robes de soirée, donc on voulait comme ça créer une dynamique comme ça d'opposition, donc voilà. Et donc l'espace est plutôt, on pourrait dire, un espace en ruine, et un espace qu'on pourrait dire de mental, si on veut projeter comme ça. En tout cas, on voulait effectivement créer un espace qui permette aux gens de projeter beaucoup de choses. On ne voulait pas être dans un espace figuratif. C'était très important pour nous. La presse est plutôt dithyrambique sur votre spectacle, qui, je le rappelle, a obtenu le Molière 2014 dans la catégorie meilleur théâtre musical. Interprétation déjantée de l'œuvre de Purcell, j'ai pu lire ça dans Le Monde, et peut-être celle que je voudrais livrer à nos auditeurs pour conclure cette interview. Quand le rire secoue la tragédie, on rit autant que l'on est ému, bouleversé parfois. Allez-y, c'est Armelle Elliott qui, à l'occasion de la reprise de ce spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord en 2013, avait écrit ces propos. Ça, j'imagine que ça vous touche tout cela. Oui, oui bien sûr. Je pense qu'il nous a beaucoup touché, c'est de voir que ce en quoi on croyait, enfin je ne sais pas comment dire, ce qu'on portait a été aussi fortement partagé en fait. Et c'est vrai que je pense qu'on fait ce métier pour qu'il y ait un partage à un moment donné, quoi, qu'il y ait une rencontre. Et ça a été le cas avec ce spectacle, donc ça a été très fort. Mais c'est un spectacle qui nous a beaucoup, je pense, changé aussi, dans le sens qui nous a ouvert vraiment des territoires, en fait, de recherche et Donc ça a été plutôt très joyeux tout ça. Oui. Dernier mot, le crocodile trompeur, c'est extrait du spectacle, c'est une dans le texte on trouve c'est dans ce le crocodile livret, trompeur. Hein. Oui, tout à fait. C'est Didon qui à la fin en fait est très en colère et dit à Aîné que c'est un crocodile trompeur qui fait semblant de pleurer en fait. Mais qui n'est pas vraiment triste. Donc elle le traite de crocodile trompeur. Et nous, c'était un moyen de prélever ça dans le livret pour montrer que c'était pas vraiment Didon Aîné qu'on allait monter, mais quand même, enfin voilà, c'était un moyen dans le titre de contenir aussi ce qu'on faisait avec ce qu'on bricolait justement avec l'opéra. Un grand merci, Jeanne Candel. Merci. Je précise à nos auditeurs que ce spectacle sera à l'affiche pour deux représentations, le vendredi 25 septembre et le samedi 26 septembre, 20h30 pour les deux soirées, à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise. Merci à vous. Merci beaucoup. Découvrons un extrait musical du spectacle Le Crocodile Trompeur, Didon et Aîné, d'après Henry Purcell, version proposée par Jeanne Candel. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. La Belle au bois dormant d'après Charles Perrault sur un texte et une mise en scène de Jean-Michel Rabeu, ce que nous avons plaisir d'accueillir dans le cadre de cette émission. Bonjour Jean-Michel Rabeu. Bonjour. On vous avait entendu sur notre antenne à l'occasion si bien de la saison dernière, c'était en mai 2015, pas si loin dans le temps. Vous nous aviez présenté La petite soldate américaine, un conte sans fait mais avec moralité, avions-nous précisé, un spectacle qui nous invite à réfléchir sur la banalité du mal en maniant avec adresse le rire et le terrible. Eh bien, je crois savoir que vous restez un petit peu sur la même dynamique. C'est un conte. C'est un conte, mais alors, juste comme ça pour nous mettre un peu dans l'ambiance, un conte qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, donc aux adultes également, avec sa part d'effrayant merveilleux. Voilà qui est bien dit pour déjà se planter le décor. Moi, j'avais une grand-mère. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, j'avais une grand-mère qui me racontait les contes de Perrault. Et elle s'amusait à m'effrayer. Et je m'amusais de son amusement. Et c'est génial parce que t'as peur, les contes, c'est toujours d'une cruauté infinie, mais t'as la grand-mère. Donc notre boulot, c'est à la fois d'amener la cruauté du conte et à la fois de faire la grand-mère, c'est-à-dire d'adoucir. Mmh. Je jubile d'être drôle avec le pire, léger et pas superficiel, trouver une forme qui n'évite pas les abîmes, mais qui nous ravisse, nous en extrait. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous avez monté cette création, car il s'agit d'une création qui sera présentée à Cergy Pontoise, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre, au mois d'octobre. Spectacle qui va tourner sur toute la France et même en Belgique entre octobre et avril 2016. C'est ça. Oui, oui, on tourne beaucoup. Oui. Alors, juste revenons un petit peu sur ce conte, comme vous dites, où il est question effectivement de La Belle au bois dormant, mais je serais tenté de dire revu et corrigé, puisque vous y intégrez aussi où il y a des croisées de chemin avec d'autres personnages qu'on a pu découvrir dans d'autres contes. Oui, j'aime bien mélanger, ça amuse beaucoup qu'on fasse référence à un autre conte. La Belle au bois dormant, en général, les gens croient que ça s'arrête au baiser du réveil du prince qui embrasse la belle qui a été endormie pour 100 ans. Et en fait, pas du tout, c'est à peu près dans Perrault, c'est à peu près la moitié de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, les deux jeunes gens réunis, les deux amoureux, les deux amants bouleversés par l'amour, se marient, font des enfants, et la mère du prince est une ogresse. Donc la deuxième partie du conte est la lutte contre cette ogresse qui veut manger les enfants du couple et éventuellement manger aussi la femme de son mari et éventuellement de la femme de son fils et éventuellement se marier avec son fils. C'est vraiment une terrible quoi. Alors vous aimez en effet entrechoquer les époques, les langages, les costumes, les moyens de locomotion à tel point qu'on peut croiser des fées qui se déplacent en dragon, des princes en skate, la reine en talon aiguille et la princesse de Montrust. Elle nous vient de famille d'ogres, de mère en fille, chez les Montrust. Oui, les Montrust aiment beaucoup les dollars, c'est bizarre. Hein, cette ogresse-là, elle aime la chair fraîche et elle aime beaucoup les dollars. Elle est autant avide de chair que de dollars. Je me suis amusé à jouer sur l'avidité financière que nous subissons tous et l'avidité évidemment mythique, mythologique de l'ogresse qui dévore ses enfants. Alors on se dit, en bon sang, les enfants vont être totalement effrayés. Je jubile, le suspense est insoutenable, dites-vous, la terreur est effroyable, l'injustice est criante, la féerie féerique. Mais en même temps, que reste-t-il de cette belle au bois dormant? Il y a toujours un happy end. Il y a toujours un happy end. Je ne veux absolument pas laisser les enfants devant l'effroi et le crime. Il y a l'effroi et le crime, on est bien d'accord... de l'ordre du rêve, pas de l'ordre du réel, c'est pas du fait divers. Elle est ogresse, on sait bien qu'une ogresse n'existe pas, même les enfants savent que l'ogresse n'existe pas. Ah bon ? Oui, je vous jure, l'ogresse n'existe pas. Par contre, les mères dévoreuses psychologiquement de leurs filles et de leurs fils, ça existe. Donc en effet, on s'adresse à la profondeur et à la douleur enfantine, dans ce sens-là c'est grave, et dans ce sens-là il faut être prudent et délicat, et en même temps, on s'amuse avec ça. On défait ça et on leur donne du plaisir avec ça. On danse, on chante, on les fait rire, les costumes sont insensés, on joue avec les époques. Ça les amuse que le prince tout à coup se barre en hélicoptère, bien évidemment. Parlons un instant du décor. Un arbre, mais pas un arbre au sens réaliste du terme. Un arbre, je crois avoir lu, un peu urbain, un arbre de banlieue, un arbre à plusieurs faces. Oui, un arbre qu'on a fabriqué de briquet de broc pour faire ce bois merveilleux. On s'est contenté d'un seul arbre, grand, vaste et mobile, qui bouge, qui gigote, qui a des branches qui descendent et qui montent. Et puis, il n'est pas loin de la ville, cet arbre-là. Il est un peu en banlieue. Il y a du béton qui s'y mêle. C'est pas un bois du Moyen-Âge, c'est un bois de maintenant. Avec effectivement, comme dans tous les contes, son côté sombre, le noir, l'invitation à la peur, on est effrayé, mais très vite la lumière arrive, l'espoir est au bout de la route. Oui, la couleur vient, ça commence par le noir, ça commence par la nuit, ça commence par le croassement des corbeaux, ça commence par l'effroi, et puis cette forêt va s'adoucir, et l'amour va arriver, les deux jeunes gens s'aiment, je demande aux acteurs, mais... vraiment la plus grande sincérité dans cet amour-là. Un spectacle qui n'a pas de morale, si. La morale, c'est toujours l'affaire de l'autre. Il y a une morale. Il n'y a pas une morale. Il y a une moralité. Uh-huh. Non, il y a une morale. Non, il y a une morale. En fait, les contes se mêlent des histoires familiales. C'est ça qu'ils font, les contes. Et là, par exemple, c'est « Méfiez-vous des mères abusives ». Chez Montépodane, c'était « Méfiez-vous des pères abusifs ». Là, c'est « Méfiez-vous des mères abusives ». Mais il y a une moralité que je ne veux pas révéler parce qu'elle est drôle et que là, de la dire ne dirait rien. On vous disait tout à l'heure, le happy end est garanti pour les enfants, mais on a eu chaud manifestement. Oui, on a chaud. Quant aux adultes, ils peuvent avoir une autre lecture. Le désespoir est secret et réservé aux adultes. J'ai écrit ça ? Oui. Oui. Bon, il est très secret. Très secret. Non, il est secret, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une vision du monde chez Perrault et allons-y chez moi. En effet, c'est pas... oui. C'est pas très gai, forcément. Une série de représentations, donc, pour découvrir ce spectacle, pour les enfants, mais aussi en famille. Le 1er octobre, 10h, 14h30, c'est des séances, j'imagine, pour les scolaires. Le vendredi 2 octobre, 10h, 14h30. Et enfin, tous ensemble, en famille, le samedi 3 octobre à 17h, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Spectacle qui sera donc en tournée, avec une répétition publique à laquelle vous nous conviez, le mardi 22 septembre à 19h30, toujours à l'apostrophe Théâtre des Arts. La rencontre, la relation avec le public ou la découverte d'un spectacle, d'une création en cours, ça c'est quelque chose qui motive l'homme de théâtre que vous êtes ? Vous plaisantez ? Parfois, certains sont effrayés à l'idée de montrer sur scène un spectacle qui n'est pas tout à fait abouti. Mais on est complètement terrorisé. Oui. On a un mot pour ça, hein. Ça s'appelle le trac. Évidemment, le public, c'est l'alpha et l'oméga, hein. C'est tout pour nous, tout. Donc on a peur et on en a un besoin absolu. C'est capital. Merci Jean-Michel Rabeu pour ce spectacle. Je le rappelle à nos auditeurs, La Belle au bois dormant, d'après Charles Perrault. Mais on a vu qu'il y aura beaucoup de liberté dans le traitement de ce spectacle mis en scène par Jean-Michel Rabeu, qui était notre invité. C'est du théâtre dit jeune public, mais à partir de 6 ans, et les parents sont les bienvenus, évidemment. Merci. Détour musical en compagnie de Yom, artiste et musicien en résidence à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise. Extrait de son album Le silence de l'Exode. Précision, il sera en concert d'ouverture du festival Jazz au fil de l'Oise le 6 novembre prochain à Auvers-sur-Oise.